سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. Vous avez entendu l'imam Chelgoumi, ce qu'il a dit à la télévision, l'imam Chelgoumi. Ils ont osé mettre le nom imam, le mot imam devant le nom Chelgoumi, l'imam Chelgoumi. Je sais pas moi, mettez larbin Chelgoumi, mettez traître Chelgoumi, apostat Chelgoumi, ou idiot utile Chelgoumi. Mais imam Chelgoumi, c'est pas possible. Lui musulman, lui c'est notre représentant en islam en France. C'est lui l'islam de France, c'est lui qui porte le projet islam de France. Quel beau projet extraordinaire de monsieur Larbin Chelgoumi. Félicitations monsieur Chelgoumi, félicitations. On est fiers de vous, vous êtes notre porte-parole. Merci monsieur Chelgoumi. Si vous êtes musulman, vous, moi je le suis pas, hein. Je suis pas un musulman dans votre modèle, à votre sauce, pas du tout. Je me désavoue de vous. Si vous, vous êtes le représentant de l'islam de France, je ne suis pas un musulman de France alors, pas du tout. Je ne suis pas votre islam à vous. Quelle horreur. Imam Chelgoumi, vous avez entendu ce qu'il a dit à la télé? L'imam Chelgoumi, le larbin Chelgoumi. Hein, c'est clair, non? Ça me semble être clair. Ils nous prennent pour des idiots, en fait. Ils nous prennent pour des abrutis finis. Ils sont en train de nous humilier. Hein? Félicitations. Mission réussie. On a atteint le fond. C'est bon. On est en train de creuser. Merci, imam Chelgoumi. Vous me faites plaisir, vraiment. Donc apparemment, vous, vous êtes un musulman et nous, on est des extrémistes. Bon, bah écoutez, alors je suis fier d'être un extrémiste. On est fier d'être des extrémistes et d'être des radicaux, des intégristes, terroristes, salafistes. Hein ? On est fier d'être des extrémistes. On ne veut pas être des musulmans à l'image du larbin Chelgoumi. Larbin Chelgoumi. Salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. La hawla wa la quwata illa billah. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de cet égarement. Astaghfirullah ya Rabbi. Salamu alaykum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.